Réunion électorale. Les papillons ont vol pigé, les députés ont bourdonné. Des feuilles de toutes couleurs poussent au nez des électeurs. Il en pousse le long des murs et dans les boîtes à ordures. C'est le mai, c'est le joli mois de mai. À la veille des élections, j'entre dans une réunion. Il y avait des femmes, des électeurs, des chiens, des puces, des orateurs. Un air à couper au couteau, comme dans les secondes du métro. C'est le mai, c'est le joli mois de mai. Chacun son bureau de tabac, hurlait un jeune candidat. Plus de proprio, plus de frontières. Citoyens, on est tous des frères. Mais derrière moi, un électeur lui répondit, ben ta sœur, c'est le mai, c'est le joli mois de mai. Toute la salle, les yeux sur moi, s'écria bas le sale bourgeois. Tout près de moi, un gentleman qui portait une grosse canne, en me traitant de sale vendu, me saisit par la peau du... C'est le mai, c'est le joli mois de mai. Avec ma tête, avec mon dos, j'encaisse les plus beaux pruneaux. On me casse 14 dents, sur le derrière et sur le devant. Et je me retrouve dans le ruisseau, sans bretelles et sans croquenots. C'est le mai, c'est le joli mois de mai. On me rapporta ce soir-là chez moi dans une voiture à bras. Le lendemain, je restais couché et je n'ai pas pu aller voter. Mais j'avais mon nom dans le journal et une fièvre de cheval. C'est le mai, c'est le joli mois de mai. J'eus pendant 8 jours le citron enveloppé dans du coton. Mais je m'étais fait une opinion, ces réunions ont du bon. On y apprend la boxe et le chausson, et ça ne vous coûte pas un rond. C'est le mai, c'est le joli mois de mai.